Poste restante par Paul Bourget. Si vous permettez, j'appellerai Bijoux-sur-Mer, la coquette ville d'hiver, où se passa le petit drame sentimental que je veux conter. Elle ne se distingue pas d'ailleurs des stations du même type, improvisées depuis ce dernier quart de siècle entre Marseille et Nice, depuis que se multiplient ces exodes vers le soleil provençal durant la saison froide. L'automobile et l'invasion des étrangers intensifient de plus en plus une mode, en apparence bien inoffensive, mais que de désarrois moraux elle provoque chez les indigènes de cette côte d'Azur, dont l'humble vie monotone se continue en marge de ce décor de luxe déployé 6 mois devant eux. Encore ceux qui peinent de leurs bras dans les jardins, les vignes, les olibettes, les pinèdes, sont-ils préservés par le besogne du contact tentateur avec les oisifs des villas et des palaces? Mais les boutiquiers, mais les fournisseurs, mais les petits salariés, ceux des gares et des PTT par exemple, comment tout ce menu peuple de modestes travailleurs ne sera-t-il pas troublé par le contraste entre son étroite destinée et l'existence si libre, si comblée que mènent ou semblent mener ces hôtes et ces hôtesses de passage qui ne respirent que pour leurs caprices et leurs plaisirs? C'était cette impression si voisine de la révolte sociale qui mettait, par ce matin d'un jour radieux de l'avril méridional, un pli cruellement amer à la bouche d'un des employés assis derrière les guichets du bureau de poste de Bijoux-sur-Mer. Une femme entrait dans ce bureau, dont la 35e année, un peu alourdie, restait charmante, malgré le rouge trop accusé des lèvres, le fard des joues et le noir des paupières. Elle était vêtue à la dernière mode de la saison. Sa jupe trop courte découvrait ses jambes, fines et comme nues dans leurs bas de soie couleur de chair. Les boucles blondes de ses cheveux, coupées au ras de la nuque, dépassaient à peine les bords d'un chapeau souple en forme de toque dont le feutre noir se parait sur le devant d'un bijou d'or semé d'une poussière de saphir. Les perles de son collier achevaient, avec son opulente jaquette de zibeline, de lui donner cette physionomie de beauté comblée qui excitait la haineuse envie du scribe, en train de griffonner de fastidieuses colonnes de chiffres sur le papier de l'administration, et il susurrait à son voisin, occupé, lui, à classer des fiches. « Fiche-la-moi donc, cette garce de Toussaint-Montaru, c'est son heure. » Tous les jours, sa lettre à la poste restante, et tous les matins, le courrier à son nom et au nom de son mari est parti officiellement, comme d'habitude, à l'hôtel de la plage où il demeure. Qu'est-ce que cela signifie ? Qu'elle vient chercher le billet doux de son gigolo, c'est évident. Ne t'en fais pas, mon vieux nado. Moi, je suis pour la rigolade devant la comédie humaine. Nous sommes aux premières loges et que la femme du directeur d'une des plus grandes firmes d'automobiles arrive ici en cachette dire en minaudant « Il n'y a rien pour moi aujourd'hui ?» Comme une pensionnaire vicieuse et sentimentale, avoue que c'est drôle. Tiens, regarde-la comme elle l'agrippe sa babillarde. Et puis, vieux communiste, ça ne te plaît pas, cette revanche de l'actionnaire? Car enfin, le mari, hein, s'il s'était rencontré ce matin, son épouse et lui, quand il est venu envoyer son télégramme. Voyons, rigole, rigole! Non, ça me dégoûte trop. Je pense aux ouvriers qui turbinent dans les usines de monsieur pour que madame soit nippée comme une poule et se paye quelques sales types comme amis. Et tu ne trouves pas ça drôle? Que la missive du type lui sera remise par cette petite dévote de Françoise Loget. Tu as vu avec quel sourire de sympathie? Naturellement, l'Église au service de la luxure des millionnaires à travers l'État. C'est le symbole de toutes les malpropretés sociales. Ah, le Chambard, mon vieux ménal, le grand Chambard. Mais il viendra, et bientôt. Et comme cette petite Françoise la regarde, pendant que la coquine enferme sa lettre dans son réticule et s'en va pour la lire tranquillement au bord de la Grande Bleue, c'est cette fourrure et ses bijoux qui la font loucher, la pauvre PTT. En attendant qu'elle lève un vieux coureur qui les lui paye, de ça non plus, ménale. Je ne peux pas rigoler de cette propagande que ces grues de la haute exercent sur nos femmes et nos filles. Tu n'es pas marié, nado, et tu n'as pas d'enfant. Encore un coup, ne t'en fais pas. Bon, midi va sonner. Au boulot, pour être libre d'aller déjeuner. Françoise a fini, elle. La voilà qui s'esbigne par la porte du fond. J'aurais aimé la taquiner sur sa cliente de tout à l'heure. Ce sera pour cet après-midi. Tandis que les deux tâcherons, aigris par la servitude de leur médiocre métier, commentaient avec cette ironie malveillante l'attitude de leurs collègues au cours de l'accomplissement du plus banal devoir professionnel. Celles-ci endossaient dans le vestiaire une jaquette dont la fausse loutre n'avait rien de commun avec la fourrure de l'élégante adultère. Si le communiste Nadeau avait raison, qui tout à l'heure venait retirer la lettre adressée poste restante à Mademoiselle Élodie de la Croix. Elle avait, lors de sa première visite au guichet, présenté comme pièce d'identité un extrait de naissance à ce nom que Françoise Loget avait accepté sans l'examiner, n'ayant que motif d'en suspecter l'origine. Elle avait su depuis qui était réellement la prétendue Élodie de la Croix, et elle s'en taisait. Dominé par un sentiment que Nadeau le fanatique et Ménal le blagueur ne pouvaient même pas soupçonner. En s'en allant maintenant du bureau de poste, entre les palmiers et les platanes, d'une des avenues de Bijoux-sur-Mer, un monologue se prononçait dans l'esprit de la pauvre PTT, qui n'avait rien de commun avec les vulgaires convoitises de toilette que lui prêtaient ses ironiques camarades. Ses beaux yeux sombres, dont s'éclairait son délicat et pâle visage d'enfant émotif et réservé, se fixaient sur des pensées plus dangereuses, hélas, pour son repos intérieur. Cette petite employée, fille d'un jardinier et d'une pauvre couturière, avait ce trait de caractère que le langage courant ridiculise ou condamne d'un mot, d'ailleurs susceptible de traductions si différentes. Elle était intimement et profondément romanesque, et le roman imaginé, derrière la quotidienne visite de Madame Toussaint-Montaru à la poste restante, hantait son esprit d'humble provincial, voué d'avance au prosaïsme d'un humble foyer. Son silence volontaire sur la fraude que représentait la suscription des lettres ainsi adressées à la femme du grand industriel la mêlait indirectement à une intrigue qui lui indignait si son innocence s'en fût représentée les coupables réalités. Timide et un peu farouche, ni ses collègues ne se permettent avec elle de ses demi-cynismes, ni ses compagnes de ses confidences qui déflorent une pensée virginale. Une aventure d'amour, c'était pour elle une plongée dans l'idéal, un paradis d'impressions exaltées et anoblissantes. Certes, sa conscience eût protesté dans l'arrière-fond d'elle-même contre le sophisme qui fait des états passionnels de l'âme le but suprême. Ce sophisme, elle ne se le formulait pas, elle le vivait imaginativement. C'était une chimérique revanche des circonstances hostiles de son sort et de leur quotidienne oppression qu'elle poursuivait sans cesse dans ses rêves, dans ses lectures, dans l'interprétation de petits incidents, comme le mystère de cette correspondance clandestine. Le jardinier de son père était mort, ruiné par de mauvais placements et par la maladroite exploitation d'un petit bien. Il avait tenu dans ses années moins malheureuses à donner une éducation plus soignée à sa fille. Elle avait pu passer son brevet supérieur et, ambitieuse d'une existence qu'elle espérait plus large, entrer dans les postes. Ses maigres appointements, additionnés au salaire encore plus maigre de sa mère, leur assuraient aujourd'hui à toutes deux le vivre, le couvert, et pour elle, la tenue nécessaire à son emploi. On comprendra son éveil de sympathie et de curiosité, à remarquer le tremblement de la main de la fausse Élodie de la Croix, tendant la pièce mensongère d'identité. Puis, à chaque nouvelle visite au guichet, comme François s'était intéressé à ce joli visage, déjà marqué par le temps, mais animé d'une fièvre si ardemment concentrée. Quand un double hasard lui avait révélé d'abord le véritable nom de Madame Toussaint-Montaru, et faut connaître ensuite le mari, le drame de cœur que vivait sa cliente de la poste restante s'était précisé pour elle. Cet homme d'affaires, déjà sur le retour, avec son masque brutal, avait dû acheter cette sensible et fine créature à des parents besogneux et la méconnaître. Malheureuse, celle-ci avait rencontré un ami digne d'elle, et que la jalousie de son maître, de par le code, la contraignait de chérir en secret. Que ce consolateur partageât cet amour, Françoise en trouvait la preuve dans l'assiduité de ses lettres. L'écriture des adresses si claires, si élégantes, lui plaisait enfantinement, et aussi le très léger parfum qui s'en dégageait, malgré la promiscuité des enveloppes parmi lesquelles ses messages de tendresse avaient voyagé. Mais en viendra-t-il encore de ces lettres, se demandait-elle donc. Elle avait eu pendant une absence momentanée du télégraphiste la curiosité de lire la dépêche rédigée par le mari, une demi-heure à peine avant l'arrivée de sa femme. De cette rencontre possible, Françoise, au rebours de Nadeau et de Ménal, frémissait encore de terreur. Cette dépêche annonçait le départ de l'industriel pour Paris le jour même, et continuant son monologue, « Elle va sans doute partir aussi. Elle voudra le rejoindre, » se disait la postière. Elle s'associait si intimement à la passion des deux amants qu'elle employait, sans parler de l'inconnu, seul, sans nom et sans épithète, habituel aux femmes éprises, pour qui un seul homme existe, lui. Sont-ils heureux de s'aimer ainsi ? Songeait-elle, sans plus se souvenir qu'elle n'avait d'indispositif sur cette liaison que cette correspondance secrète qui pouvait aussi bien s'expliquer par quelques complications de famille. Un parent brouillé avec le mari, père ou mère, frère ou sœur, avec qui la femme tenait à conserver des rapports constants. Et Françoise, de poursuivre sa nostalgique rêverie. Aimer, c'est vivre. Mais il faut être libre, ne pas subir tous les jours, toutes les heures, cet esclavage du gagne-pain qui n'accorde même pas le temps de penser indéfiniment à ce que l'on aime. Elle est sous l'autorité de son mari, elle. Mais ce n'est qu'une gêne, ce n'est pas une prison. Et puis, elle n'a pas autour d'elle un milieu comme le mien, où les gens peuvent être honnêtes, sincères, bons, mais si plats, si terre-à-terre, et dans quel décor, si trivial, d'où la fantaisie est absente, faute d'argent. Elle peut, elle, se parer à son gré pour lui plaire. Ah, comme je souhaiterais de le connaître. Je le vois si beau, elle-même est si jolie. Où l'a-t-elle rencontré? Comment se sont-ils connus? Quel courage ils ont! Car ce monsieur Toussaint Montaru, un visage si dur! S'il avait seulement surpris la pauvre femme ce matin! Il y a des maris qui tuent, comme ils s'aiment tous deux, pour braver ainsi un danger de tous les instants. Fantastique discours intérieur d'une dormeuse éveillée, qu'un appel de son nom, répété par trois fois, tira brusquement de son somnambulisme. Elle reconnut dans un sursaut la voix de sa mère, qui lui criait, debout de l'autre côté de l'avenue, sur le seuil d'une boutique de papeterie, « Françoise, Françoise, Françoise !» Et quand la jeune fille eut franchi la courte distance qui les séparait, « Vois-tu les yeux, petite ?» dit la vieille femme. « Voilà 5 minutes que je te fais des signes. Tu seras donc toujours Mademoiselle Langiva, Malaville, Gico. C'est qu'on a beaucoup travaillé ce matin, maman, et alors la tête. Entre dire bonjour à Madame Hamelin, fit la mère. Je suis venue ce matin lui apporter sa robe qu'il a fallu élargir. Elle grossit, la pauvre, à ne jamais bouger de son magasin. Il faut ce qu'il faut, exclama une autre voix. Madame Loget, un peu dure d'oreille, avait comme à l'habitude parlé trop haut et son propos entendu provoquait cette intervention de la boutiquière. C'est que nous avons un gros chiffre d'affaires, regardez. Elle montrait la grande table du milieu couverte de marchandises, boîtes, cahiers, enveloppes, agendas, bloc-notes et sur les murs des rangées de cartons. Et net par le temps qui court, c'est trop cher, alors on se débrouille tout seul, n'est-ce pas, Gaston ? Elle s'adressait à son fils, lequel, assis à son bureau, tapait à la machine une correspondance très différente de celle qui venait de provoquer chez Françoise sa crise de songerie sentimentale. C'était un grand jeune homme roux, dont le masque aux gros traits était comme obscurci par une paire de fortes lunettes rondes à verre fumé. Ses 25 ans et les 50 ans de sa mère se ressemblaient par une tension de la physionomie qui trahissait un effort trop constant. « C'est vrai, répondait-il en s'interrompant de sa besogne, qu'il n'y a pas de loi de 8 heures pour nous. Mais nous l'avons joliment relevé, ce commerce, depuis que nous l'avons acheté. Et nous travaillons un peu pour vous, Mademoiselle Françoise, car enfin, s'il n'y avait pas de papetier, il n'y aura plus de poste. Et alors ? Tandis qu'avec ces modèles, est-ce qu'il ne donnerait pas envie à un manchot d'écrire des lettres ? Il rit lui-même de son enfantine plaisanterie, mais gauchement, comme il arrive quand on cache une émotion sous une attitude de fausse gaieté. Quoique l'attentif commerçant, et qui semblait uniquement absorbé par les doigts et à boire de son livre de compte, n'eût jamais eu avec Françoise que des conversations indifférentes, un instinct de femme avait dès longtemps appris à la jeune fille qu'elle lui inspirait un sentiment très tendre. Cette divination même la rendait plus réservée vis-à-vis de lui. Elle répondit simplement « Ils sont très jolis, en effet. Et nous avons comme clients des Parisiennes, qui les préfèrent à ceux qu'elles auraient là-bas. Pas plus tard que ce matin, Madame Toussaint Montaru, la femme du grand fabricant d'automobiles, qui passe la saison à Bigeon-sur-Mer, est venue me commander 5 boîtes de ce papier-ci. » Pour lui écrire, pensa Françoise que ce nom de son habitué de la poste restante, prononcé devant elle par un hasard bien inattendu, fit tressaillir. Mais déjà sa mère l'entraînait. « Rentrons vite !» disait la vieille femme. « J'ai laissé le ragoût de mouton sur le feu, il va être desséché. » Puis, à peine sorti de la boutique, « J'en suis pour mon idée, Françoise. Tu serais la patronne de ce beau magasin si tu voulais. »« Quelles imaginations tu te fais, maman ?» répondit la jeune fille. « Gaston ne pense qu'à son commerce, et d'ailleurs, pour se marier, il faut être deux. Moi, je suis très contente de ma vie avec toi, et je ne veux pas en changer. »« Et quand je n'y serai plus ?» dit la mère. « C'est peut-être moi qui partirai la première, » répliqua Françoise. « Mais pourquoi nous attrister ? Je cours devant pour veiller au fricot, et toi monte lentement à cause de ton cœur. » « C'est tout ce que je reproche à notre appartement, ces deux étages. » Et gravissant d'un pied leste les marches de l'escalier, « Pauvre mère, quelle existence elle me souhaite ! D'un bout à l'autre de la journée, me tenir là, comme fait Madame Hamelin, à vendre à des femmes qui vivent vraiment leur vie, de quoi écrire leurs lettres d'amour. J'aurai de l'argent et de la sécurité, maman ne voit que cela. Ah, penser que je n'aurai jamais mon roman. Et où en rencontrerai-je le héros ? Ce ne sera pas Gaston Hamelin, en tout cas. De quel accent ? Il disait tout à l'heure. Nous l'avons joliment relevé, ce commerce. Je ne suis pas laide. Je ferai une patronne pas trop désagréable à regarder. J'entrerai dans le relèvement. S'il a jamais pensé à m'épouser, c'est pour cela. Mon guichet de la poste vaut mieux. Au moins, on y rencontre des Élodies. Mais celle-là va rouler vers Paris, cette nuit et vers son amour. Est-elle heureuse ? Allons, Françoise. Elle ouvra la porte. Au fricot, ma fille, c'est ton lot. La dormeuse éveillée s'était à ce point identifiée au roman imaginaire, suscité en elle par l'arrivée quotidienne de la lettre adressée poste restante au nom fallacieux d'Élodie de la Croix, qu'elle tressaillait d'émotion le lendemain matin à dépouiller le courrier. Aucune enveloppe ne portait la souscription coutumière. « Elle est partie avec son mari, » se dit-elle, et continuant de s'associer par la pensée à une aventure sentimentale devenue aussi réelle pour la chimérique enfant que si elle eût reçu les confidences de l'héroïne. Pourvu qu'il se retrouve et que lui, il n'ait pas quitté Paris, car c'était de Paris qu'il lui écrivait, et toujours pour la même levée, afin que la lettre lui arrivât bien à temps. Ah, comme ils s'aiment, et qu'ils vont être heureux aujourd'hui. Elle avait étudié l'horaire du chemin de fer sur l'indicateur. Ils ne se sont pas vus encore, mais cet après-midi. Le jour suivant, rien de réchef à la poste restante. Madame Toussaint-Montaru était donc vraiment partie, sans soupçonner combien elle manquait à la petite employée, qui lui avait, tout le mois dernier, durant son ennui et séjour conjugal à Bijoux-sur-Mer, tendu chaque matin une lettre passionnément espérée par elle et par Françoise, en proie à son hypnose. Avec quel ennui celle-ci vaquait maintenant derrière son guichet à une besogne qui ne suggérait plus rien à sa rêverie. Entre le bureau et le petit appartement où elle retrouvait sa vieille mère, ses journées s'écoulaient de nouveau dans cette humble monotonie qui laissait insatisfaite ses aspirations vers une vie du cœur épanouie dans un autre décor. Aussi manqua-t-elle défaillir d'une surprise, toute mêlée de joie et de fiévreuse curiosité. À entendre un matin ses deux camarades, dont elle redoutait les ironies, Nado et Ménal, qui échangeaient sans prendre garde qu'on les écoutait, ces paroles si troublantes pour elle. « J'ai eu un bon moment hier au casino, » disait Nado, à voir la Toussaint-Montaru danser le Charleston avec son gigolo. Ce qu'elle en pense pour lui, la gueuse. « Je la croyais partie avec son mari, » répondait Ménal. « Moi aussi, » reprenait Nado, en ne la voyant plus venir pour sa poste restante. « Il paraît que non. Elle l'a fait venir ici, son petit monsieur. Et allez donc, l'argent gagné par les sueurs des ouvriers à l'usine, il faut bien que ça serve aux caprices de la bourgeoise. » « Tu ne crois pourtant pas ?»« Mais si, mon vieux, est de la grande espèce. » Dis-nous-en de moins que la Toussaint, des bagues à tous les doigts, comme une fille, un bracelet au poignet, une énorme perle à sa cravate. Ah, elle aînait bien leurs greluchons, ces dames capitalistes. Et il vous a une de ces jolies gueules à claque avec des yeux ficheurs. Il est bien nommé d'ailleurs, Alphonse. Hein, ça se rencontre. Alphonse Sauvin. Et comme profession, rigole un peu, puisque c'est ton goût, poète. Mais comment as-tu eu ces tuyaux ? Par Gauclair, le directeur du Mimosa, qui était là hier, et qui nous a raconté que la Toussaint-Montaru lui avait apporté pour son canard un poème de ce beau monsieur et qu'elle a casqué pour l'insertion. 500 balles, mon petit, que Gauclerc a empoché et dont il est fier. C'est de la publicité. Ah, la crapule. Mais c'est un conservateur. Il est logique. Un de ses rédacteurs, à la coule du monde littéraire de Paris, l'a rencontré, ce Sauvin, 2 ou 3 fois dans des dîners de lettres. C'est le fils d'un employé de ministère, paraît-il, et qui s'en croit. Il n'y a pourtant pas de quoi être fier, car elle est déjà marquée, sa blonde. Mais chut. Et tout en baissant la voix, Ménal montrait d'un geste de tête Françoise Loger, qui, venue pour prendre un papier sur le pupitre d'un collègue absent, s'immobilisait dans l'horreur que lui infligeaient ces révélations. Elle salissait si brutalement les idéales visions auxquelles sa sensibilité se caressait depuis des jours, à l'occasion des lettres reçues par la cliente de la poste restante. Révélation ? Non, calomnie ! Et la phrase par laquelle le révolutionnaire Nadeau commenta son attitude à elle ne le prouvait-elle pas ? Elle nous moucharde. C'est dans l'ordre. Une élève des bonnes sœurs, c'est le mot d'ordre des jésuites, espionnée toujours et partout. Une madame Toussaint Montarus, c'est fameux à faire chanter. Voilà ce qu'il pense de moi, se disait Françoise revenue à son guichet. Et il me voit vivre. Si grossier, si envieux, comment comprendrait-il un sentiment noble et vrai? Ils sont pauvres et ils ne pensent qu'à l'argent. Ils ne voient que l'argent. Cette protestation de sa plus intime personnalité n'empêchait pas qu'elle ne fût profondément atteinte dans cette rêverie qui lui avait été un enchantement, une exaltation et une secrète revanche de son sort. Son premier acte, en quittant la poste, fut un acte de défense de ce déraisonnable rêve. La papeterie Hamelin vendait quelques journaux, entre autres ce Mimosa, la petite feuille de saison mentionnée par Nadeau. Elle entra donc dans la boutique où le laborieux Gaston s'interrompit de ses comptes pour venir à elle, bien timidement, et si elle l'avait su ou voulu le reconnaître, bien tendrement. Elle lui posa une question de l'ordre le plus étranger à sa préoccupation, soi-disant pour une de ses amies, sur le nouvel horaire d'un de ses autocars de la côte, et pendant qu'il cherchait le renseignement dans un indicateur local, elle avisa le journal où, soi-disant la maîtresse riche, avait fait paraître, à prix d'argent, le poème d'Alphonse Sauvin. Elle lisait l'estance intitulée très banalement « Nocturne », et dont elle devait se répéter indéfiniment le début. Les étoiles qui sont les yeux de la nuit triste. Elle qui avait passé tant d'heures d'insomnie à regarder de sa fenêtre la féerie du ciel méridional, comment n'eût-il pas cru retrouver dans ce médiocre verre le mirage de ses propres mélancolies? Non, s'affirmait-elle en se relisant ces 12 syllabes, l'homme qui sent ainsi ne peut pas être ce qu'il prétende. Elle s'efforçait de faire taire dans sa mémoire les mots abjects dont Nadeau s'était servi pour flétrir le rôle du poète auprès de sa maîtresse riche. Mais l'insulte lui laissait, au fond de l'être, une impression qu'il fallait abolir par une évidence plus puissante encore, celle de la présence. Elle voulait, ce calomnier, l'avoir vu auprès de son ami. Nadeau avait parlé de leur danse au casino. Pour la première fois de son existence, la pauvre PTT, si réfractaire par nature et par principe aux vulgarités d'un pareil endroit, en franchissait le seuil, le soir même, rouge d'émotion, presque honteuse, et se demanda avec un tremblement « Mais seront-ils là ?» Les vastes salons où elle pénétrait ainsi retentissaient du tapage d'un orchestre en train de rythmer des tangos, des foxtrots et des chemises que dansaient, dans une intense atmosphère de tabac, d'infatigables couples regardés par plusieurs rangées de consommateurs assis à des tables en face de leurs cocktails ou de leurs boissons glacées. De l'arrière-fond d'une pièce où des joueurs se pressaient autour d'une table de baccarat, les formules sacramentelles arrivaient. 1 000 francs en banque, faites vos jeux. Coupés par des chiffres, 5, 8 en cartes. Parmi tous les visages inconnus d'elle, Françoise, à un moment, remarqua celui d'un jeune homme qui se tenait, comme aux aguets, sur le pas d'une porte derrière laquelle s'apercevaient, éclairés à l'électricité, les arbres du parc du casino. Elle eut soudain l'intuition d'avoir devant elle le personnage outrageusement décrit par Nadeau. Très élégant de tournure, habillé avec recherche, une expression d'arrogance dans ses prunelles et dans toute son attitude, il passait nerveusement sur sa fine moustache une main chargée de bagues et ce geste découvrait le bracelet d'or de son poignet. L'apparition de Madame Toussaint Montarus à côté de cet inconnu m'a aussitôt justifié cette divination. La nouvelle venue avait dû passer par l'autre entrée de l'établissement et traverser le jardin. Elle portait à la main un réticule dont elle tira, comme elle l'a dérobé, en regardant avec défiance autour d'elle, une enveloppe que le jeune homme saisit hâtivement pour la glisser dans la poche de son smoking. Tout de suite, Françoise Loget put le voir, qui se dirigeait seule vers la partie des salons réservés aux jeux. Un des employés du casino était là, devant une table chargée de jetons qu'il troquait contre de l'argent aux personnes qui voulaient s'engager dans la partie. Le soulagement d'une inquiétude se devina sur son visage quand Alphonse Sopin se fut approché pour lui remettre une liasse de billets de banque extraits de l'enveloppe. La somme comptée, le caissier rendit un chèque à Sopin, qui le déchira en 20 morceaux, et les deux hommes se saluèrent, l'un avec la déférence méritée par un client important, l'autre avec une bonne grâce, prélude assurée d'autres emprunts. Mais déjà il se hâtait vers sa généreuse maîtresse. Comment douter maintenant que les prétendues calomnies de Nadeau ne fussent une vérité, qu'il attendait à la même place. Il avait jeté contre le mur qu'il rasait, pour arriver plus vite, l'enveloppe froissée, pas très loin de Françoise. Celle-ci put la ramasser. Elle reconnut le type de celle qu'Amelin lui avait montré. « Et moi, songea-t-elle, en se rappelant ses pensées de l'autre jour, moi qui leur croyais de si belles amours, mais cette infamie était possible ?» Impulsivement poussée par un irrésistible désir de défendre jusqu'au bout une chimère déjà trop chère, elle suivait les amants qui s'engageaient sur l'escalier. Ils descendaient dans le parc, en ce moment presque désert, malgré la féerie du beau soir méridional. Celle du bal et du baccarat était la plus forte pour les habitués de ce casino de l'élégante ville d'hiver. Cette solitude des allées de ce jardin ne permettait guère à Françoise d'espérer qu'elle pût échapper à l'attention du couple dont elle voulait à tout prix entendre les paroles. « Cet affreux Nadeau me traiterait encore d'espionne, » pensait-elle, « mais ce que j'ai fait pour cette femme, en ne parlant pas au receveur du faux nom et du prétendu extrait de naissance, me donne un droit, celui de savoir quelle histoire j'ai couverte. » Elle se justifie ainsi de l'aguet policier qui la faisait se cacher tour à tour derrière le tronc d'un eucalyptus ou celui d'un chamarops, à la suite des deux promeneurs. À l'une des extrémités du parc se dressait une espèce de construction en ciment, façonnée en forme de rocher. Un simulacre de grotte y était creusé, à l'intention des tête-à-tête plus ou moins licites. Les amants se dirigeaient vers cette retraite qui leur était évidemment familière. Ils s'y assirent sur un banc que la direction du casino avait placé trop près de l'entrée pour ne pas sembler honnête, assez baigné d'ombre, pour rendre méconnaissables les silhouettes de ceux qui s'arrêtaient là. Alphonse Sopin et Madame Toussaint Montaru s'y étaient assis. La tentation était trop forte pour Françoise, qui finit, après un savant détour, par se blottir derrière une des saillies de l'étrange édicule. Et voici le brutal dialogue que la romanesque enfant écoutait avec quelle détresse. « Alors, tu ne veux pas me promettre de ne plus jouer ?» implorait la maîtresse. « Je ne peux pas, » répondait l'amant. « Tu m'as dit si souvent que c'était l'artiste que tu aimais en moi, et un artiste, c'est d'abord un passionné. Eh bien oui, je l'ai dans le sang, la passion du jeu. Plus forte alors que celle que tu prétends avoir pour moi. Ah, ne compare pas. Si je ne t'aimais pas, serais-je ici, loin de Paris, de mes amis, des journaux, des théâtres. C'est cher, tu sais, un voyage comme celui-là. En prenant la banque tout à l'heure, j'ai tant espéré que j'allais tout faire sauter. Je sentais la veine et puis... Mais j'étais là. Je serai toujours là, mon aimé. Seulement... Seulement quoi? Tu me caches quelque chose. Oui. Quand tu m'as dit, il y a une demi-heure, mon arrivée ici, j'ai emprunté pour jouer 3 000 francs au caissier du baccarat. Je les ai perdus. Il faut que je les rende ce soir même, sinon... Sinon, reprenait Sauvin, cet homme allait demain matin à la succursale du Grand Comptoir. Je porte toujours sur moi un carnet de chèques de cette banque où j'ai quelque argent à Paris, où j'avais plutôt, car j'ai tout pris et retiré pour venir ici à ton appel. « Cher chéri, » répondait la voix étouffée de la maîtresse, « enfin, tu l'as retiré, ton chèque. Seulement, je reprends ma phrase, un chèque sans provision, tu sais où cela mène, mais encore une fois, je suis là, seulement. » « Seulement, de nouveau. Seulement, je n'avais pas 100 francs sur moi. » On m'arrive toujours que mon argent soit déposé dans le coffre-fort de l'hôtel, et le directeur n'était pas là pour me l'ouvrir. Mes bijoux, à cette heure, il ne fallait pas y songer. Heureusement, Élodie Delacroix n'était pas sortie. Comment? C'est ta femme de chambre? Ou qui m'a donné les 3 000 francs, oui. Je lui ai dit que c'était pour toi, et alors? Mais tu es folle, et le chantage? Elle? Ah, tu ne la connais pas. je t'ai pourtant raconté son histoire. Son mari, mon chauffeur, tué à la guerre. Son unique enfant mort et ses parents. Elle n'a plus personne au monde. Elle s'attache à moi comme un pauvre chien. Elle a connu la tristesse de mon ménage. Quand j'ai eu besoin d'elle, pour recevoir tes lettres ici, elle m'a donné ses papiers, son nom. Elle serait allée à la poste à ma place. Elle me l'a offert. Elle avait deviné que j'aimais quelqu'un. Je le lui ai avoué. Alors elle a eu ce mot sublime. C'est peut-être le seul bonheur que vous aurez eu dans votre vie. Pieuse comme elle est, bien entendu, elle ne croit pas qu'il y ait entre nous autre chose qu'un sentiment idéal. Elle croirait le contraire, qu'elle le servira encore. Elle sait que tu es ici, dans un autre hôtel. Enfin, j'ai pu le voir, qu'il est beau, m'a-t-elle dit. Quand il t'a fallu de l'argent, ce soir, tout de suite, je lui ai parlé. Elle est sortie de la chambre et elle est revenue avec ses billets. Elle a si peur d'être volée qu'elle garde toutes ses économies avec elle. C'est une simple. Dites-lui bien qu'il ne joue plus jamais. Ça a été sa dernière parole. Ne prononce plus cet affreux mot de chantage, mon ami. Je le retire, puisque ça te fait plaisir. Elle n'est peut-être pas vraie, mais elle est charmante. Je cherche un sujet de nouvelles. En voilà un. Ça m'aidera-tu le temps ici? Ça t'ennuie donc bien d'être venu, dame, les heures où je ne suis pas avec toi. Et moi donc? Mais c'est tout de même un délice de t'avoir dans ce beau paysage. Qui ne vaut pas notre Paname, à vous, ni le gentil asile que tu nous as installé, avenue Mozart. J'y pense, c'est l'époque du terme. As-tu ce qu'il faut? J'allais t'en parler. Tu l'auras demain. Et cette fois, ce ne seront pas les économies d'Élodie. Si je ne joue plus, il y aura encore l'hôtel d'ici. Ne t'inquiète pas, demain tout sera en ordre. Seulement, toujours seulement, seulement oui, tâche de ne plus jouer. Il faut que je puisse justifier mes demandes d'argent, mon mari, quoiqu'il ne soit pas regardant. Tout de même, si ça t'amuse, j'ai mes bijoux. Si tu savais comme j'aime à tout te donner. Tu es une merveille d'ami. Mais l'heure avance. Allons danser. Et 10 minutes plus tard, Françoise, qui les avait suivis dans leur retour à la salle de bal, toujours en se cachant, les voyait tourner dans les bras l'un de l'autre. Elle, enlacée à lui avec une joie physique qui touche à l'extase, lui, si gracieux, si souple, avec cet orgueil sur son visage de l'homme aimé, dont le féroce égoïsme a perdu tout sens de l'honneur et de la probité. Après les horribles phrases que Françoise venait d'écouter dans le jardin, ce spectacle infligea à la romanesque enfant violemment réveillée de son utopie un tel sursaut qu'elle dut s'échapper presque en courant. Le contraste était trop dur entre les images suscitées en elle, derrière son guichet de la poste, par la venue quotidienne de cette visiteuse qu'elle avait parée de toutes les délicatesses et cette affreuse réalité, une femme riche, follement éprise d'un prétendu poète, un drôle moins âgé qu'elle de 15 ans, et qu'elle entretenait avec l'argent de son mari et aux besoins d'une servante. Tu sais la nouvelle, disait Nado à Ménal 15 jours plus tard. Le chef vient de m'apprendre que la petite Loget nous quitte. Elle est nommée ailleurs? Non, elle se marie. Avec qui? Avec Hamelin, le papetier. Ce rouquin qui a sa boutique rue des Agences? Parfaitement. Elle sait y faire, notre camarade. Il paraît qu'il en a des sous, cet Hamelin. Il vient d'acheter une maison et un jardin près de la gare. Du train où se développe Bijoux-sur-Mer, c'est un placement à 200%. Évidemment, ce n'est pas un tout ça Montaru. Mais Madame Françoise Hamelin sera tout de même une capitaliste et qui trompera son mari comme la coquine à laquelle, derrière ce guichet, elle remettait si complaisamment la lettre de son gigolo. Et où sont-ils ces deux-là, elle et le gigolo? En as-tu l'idée? On les voit plus au casino, paraît-il. À Paris, en attendant Deauville. Elle, probablement avec un autre Alphonse, lui avec une autre grue de la haute. Il faut bien comparer pour préférer. Et le sceptique Ménal de rire, tandis que la révolutionnaire crispait sur son papier la pointe rageuse de son stylographe. Comment ces deux collègues de la rêveuse Françoise, avec leur philosophie de rond de cuir aigri par leur sort, eussent-ils pu soupçonner la tragédie intime qui avait, après la scène du casino, bouleversé la jeune fille à la rendre malade? Les sensibilités imaginatives sont ainsi. Leurs désillusions autour de ceux qui les ont exaltés les accablent comme des malheurs personnels et presque aussitôt. Un jour, qu'elle rentrait de son bureau vers midi, toujours navrée de désenchantement, sa mère l'avait accueillie, la figure à la fois radieuse et inquiète, pour lui dire « Gaston Hamelin sort d'ici. Crois-tu qu'une vieille maman y voit juste quand il s'agit de sa fillette? Il m'a demandé ta main. » « Et tu as répondu, dit Françoise, qu'il te la demande à toi-même. Mais il faut que tu saches d'abord ce qu'il vient de faire. il a racheté le Pinedo. Notre ancienne maison, celle que père a dû vendre. Oui, et tout le petit bien autour, le jardin de fleurs, la vigne, les oliviers, le potager. Quand tu disais comme l'autre jour, il ne pense qu'à son commerce. Il pensait gagner assez pour achever de payer cette propriété que le notaire avait mise en vente, mais secrètement, l'actuel possesseur tenant à cacher l'opération. Ah, si tu avais entendu Gaston! Ce que je voulais, me racontait-il, c'était de pouvoir offrir à Françoise, si elle accepte, de se retrouver comme ma femme dans la maison de son enfance, comme avant la ruine de ce pauvre loget. Maintenant que la Pinedo est payée, je serai plus à l'aise pour la papeterie. Je prendrai un employé qui soulagera maman. Françoise quittera ce bureau de poste où elle s'anémie. Elle s'occupera de notre intérieur et du jardin. Vous m'avez dit souvent qu'elle s'entendait si bien aux fleurs. Nous ferons de la rose, du mimosa, de la violette, de l'œillet. Ça rapporte aussi. Croyez-vous qu'elle acceptera? J'attendrai le temps qu'elle voudra. Il y a si longtemps que je l'aime, mais je ne pouvais lui dire qu'en lui demandant de m'épouser, et je m'étais juré que ce serait dans ces conditions-là. Ça ne te touche pas, Fifi, un sentiment pareil. Ainsi, ce roman d'amour dont Françoise avait rêvé, il se vivait là, près d'elle, dans ce simple et loyal garçon qu'elle avait cru si vulgaire, si médiocre, si plat. La hideuse expérience dont elle était encore meurtrie lui faisait sentir avec une force singulière la secrète poésie de ce cœur d'homme, jusqu'alors ignoré d'elle, et après un silence, elle s'entendit répondre à sa mère d'une voix bien émue. « Dis-lui qu'il vient de me parler, maman. »« Alors, ce serait oui ?» s'écria la mère d'une voix non moins troublée. « Je crois que ce sera oui, » répondit Françoise. Et ce fut oui. Et elle ne l'a jamais regretté. Ainsi s'achève, Poste restante, par Paul Bourget.